Dernière campagne par Léon de Tinsault, chapitre 1er. Un certain jour de la fin de juin dernier, à 10 h du matin, le baron Schmetterlin, directeur d'une banque qui l'enrichit et mari d'une femme qui le trompe, dépouillait le courrier avec l'assistance d'un secrétaire dans son cabinet de la rue de la Victoire. Pour le peindre en passant, bien que chacun à Paris le connaisse, c'est un homme qui ressemble à tout excepté à un financier. Long, maigre, osseux, le visage rasé comme un juge, les cheveux encore noirs, ramenés sur les tempes, l'œil visant à la pénétration, le front toujours sérieux, quand il n'est pas sévère. Le baron n'a plus guère qu'une conviction, mais bien enracinée, celle de sa supériorité. S'il lit dans ce journal qu'un général a été battu quelque part, qu'un ministre a été renversé ou un diplomate berné, qu'un ténor a fait fausse note ou qu'un peintre a commis une croûte, il a une manière de pincer les lèvres et de froncer les sourcils en soupirant, qui veut dire « Mon Dieu, quel dommage que je n'ai pas le temps de faire autre chose que de la banque, on verrait. » Faute de temps, il est bien forcé de laisser l'armée, la diplomatie, la politique, la musique et la peinture aller comme elles peuvent. Mais quand il s'occupe de ses affaires à lui ou celles des autres, il n'admet pas qu'on puisse avoir une idée en dehors de la sienne. Aussi, ses employés filent doux, mais cette passivité ne saurait lui suffire. Il entend être admiré d'eux. D'ailleurs, il gagne de l'argent, et ses émissions réussissent toujours. C'est l'essentiel. Quant aux actions émises, ce n'est plus son affaire. Sans cela, je vous demande un peu s'il y aurait une banque possible. Qu'on juge de son étonnement désagréable quand il lut la lettre suivante, moulée ainsi qu'un devoir d'écriture, propre, nette, éblouissante, avec une marge alignée comme le front d'une compagnie de Saint-Cyrien. À Monsieur le Baron Schmetterlin, banquier, 157 rue de la Victoire, Paris. Au mois de novembre 1879, j'ai souscrit dans mon bureau à 20 actions des pétroles du Tonkin, au prix de 500 francs l'une, soit 10 000 francs, représentant toutes mes économies. Malgré les promesses énoncées dans le prospectus que j'ai entre les mains et qui porte votre signature, l'intérêt qui devait se monter à 18% au minimum ne m'a jamais été payé et qui plus est, les 5 lettres que je vous ai écrites à ce sujet sont restées sans réponse. En présence de ce silence inexplicable et des retards qu'éprouve la conquête du pays où sont situés les puits à pétrole, conquête que le prospectus précité faisait considérer comme imminente et facile, je viens vous sommer, par la présente, recommandée à la poste, d'avoir à me rembourser immédiatement les 10 000 francs versés par mois. Je tiens les titres à votre disposition contre espèce. Faute d'une réponse dans les 48 heures, je dois vous prévenir que je me rendrai dans vos bureaux pour traiter verbalement la question avec vous. La perte de la somme que je réclame aurait pour moi des conséquences dont il vous est impossible, et dont vous vous souciez fort peu sans doute, de vous faire une idée. Sans m'étendre davantage, j'espère, monsieur, que vous vous éviterez par un sacrifice insignifiant pour vous, de vous trouver en présence d'un corse réduit au désespoir. On ne se paye pas de belles phrases chez nous, et quand il s'agit de son droit, on n'a peur de rien. Dans nos maquis, je compte plus d'un ami, qui a tué 2 ou 3 hommes, pour des motifs moins plausibles que celui dont il s'agit dans la circonstance, agréé, etc. Paoletti, ancien capitaine au long cours, Avel Ferrato, arrondissement de Corte. « Lisez cela, monsieur Antoine, » dit le baron à son secrétaire, tout en prenant dans son fauteuil la pose la plus commode pour terrasser quelqu'un d'admiration. Monsieur Antoine, ou, comme on disait dans la maison, le petit père Antoine, possédait peut-être beaucoup de qualités, mais à coup sûr, la bravoure lui manquait. Pâle comme un linge, il replaça devant son patron la missive fatale, en la tenant du bout des doigts comme il le fait d'une cartouche de dynamite. « Oh, monsieur le baron, monsieur le baron !» gémissait-il sans pouvoir en dire davantage. « Ah ça, Antoine, » dit le baron du haut de sa voix, « est-ce que vous auriez peur, par hasard ? Monsieur, ces Corses vous saignent un homme comme un poulet, et celui-ci a une manière froide d'écrire que je n'aime pas. Je me moque de lui et de sa manière d'écrire, tout Corse qu'il est et tout corsaire qu'il a été, sans doute. Mais ne lui répondrons-nous pas aujourd'hui, monsieur ? Après tout, 10 000 francs. 10 000 coups de pied au derrière de ce bandit, ce serait un joli précédent. Rembourser les actions émises par la maison. Pensez où cela nous mènerait, monsieur. Mais enfin, monsieur le baron, si cet homme n'a pas de réponse, il va venir, et s'il vient, comme c'est moi qui suis chargé de recevoir les visiteurs. » Schmetterlin prit une pause qu'il avait vue quelque part dans un tableau représentant le duc de Guise quand il prononce le fameux « on oserait ». Puis il répondit, superbe, « S'il vient, monsieur Antoine, vous l'introduirez dans mon cabinet. » « Mais au moins, avez-vous des armes ?»« Des armes !» fit le baron en ouvrant deux mains qui n'avaient pourtant pas l'air bien terribles. « Au premier mouvement, je l'étranglerai comme un canard !» Il eut une lueur fauve dans les yeux. Il était de bonne foi. Il sentait le cou de Paoletti broyé dans l'étau vivant de ses doigts maigres. Il entendait le couic final de la victime. Il se voyait arrivant chez le commissaire de police et lui disant avec calme, le calme de l'Indien qui essuie son couteau sur sa manche après avoir égorgé un tigre. « Je viens de tuer un homme qui voulait m'assassiner. » Il congédia le petit père Antoine abasourdi, puis il relut la lettre du Corse. « Le fait est que les pétroles du Tonkin... Mais si les banques devaient garantir les opérations indiquées par elles, il était naïf, le Paoletti, des sauvages, ces Corses. » Le soir, Schmetterlin rentra plus tôt que d'habitude à sa villa de Ville d'Avray. Il avait la fameuse lettre dans sa poche. Il la fit voir à sa femme et recommença la scène du matin entre lui et son secrétaire, mais avec moins de succès. La baronne avait-elle l'admiration moins facile, naturellement, ou bien avait-elle des raisons pour douter des qualités d'athlète de son mari? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle lui répondit avec la même désinvolture que si elle lui parlait à un homme ordinaire. « Mon cher, ne dites pas de bêtises. Ou votre Paoletti ne viendra pas, et alors vous n'aurez pas à l'étrangler, ou il viendra, et ce sera sérieux, car un homme de cette trempe ne fait pas le voyage de Corse à Paris sans être décidé à mener les choses jusqu'au bout. En ce cas, soyez très poli pour lui. « Faites monter deux sergents de ville et en route pour le dépôt, mais n'engagez pas la lutte. » Le baron poussa un faible soupir, remit la lettre dans sa poche et sortira dans son fumoir. Cette femme ne l'avait jamais compris. La nuit, il rêva que Paoletti entrait, brandissant d'une main un pistolet, de l'autre une hache d'abordage. Mais Schmetterlin lui empoignait le cou et, sans même beaucoup serrer, il le réduisait en quelque chose de mou, d'inconsistant, qui s'allongeait de plusieurs mètres en devenant tenu comme une saucisse. Au bout de ce boyau sanglant, la tête du bandit restait attachée comme un ballon au bout de sa ficelle. C'était horrible et délicieux en même temps, cette extermination de l'homme qui avait voulu tuer. Cependant, le temps se passait et chaque matin, en dépouillant le courrier, Schmetterlin et le petit père Antoine calculaient les dates. Paoletti attendait la réponse. Il ne la recevrait pas. Un autre courrier ne l'apportait pas davantage. Peut-être qu'il partait ce jour-là. Justement, c'était le jour du paquebot pour Marseille. L'avant-veille du jour où Paoletti pouvait débarquer à la gare de Lyon, Schmetterlin se sentit moins bien portant que d'habitude. Secrètement, il acheta un revolver et le porta à la ceinture de son pantalon comme les Américains. « Vous savez, dit-il à Antoine en parlant comme chaque matin de l'affaire Paoletti, si vous voulez avoir des armes, je ne vous en empêche pas. » Deux heures plus tard, il y avait dissimulé dans le tiroir de tous les bureaux assez d'engins de guerre pour massacrer la moitié de la Corse. Le garçon de caisse, qui était un ancien cuirassier, avait mis derrière la porte un sabre de 3 pieds de long. Paoletti pouvait venir. L'aurore du lendemain ne trouva point Schmetterlin endormi. Si le Corse était parti à la date prévue, il devait arriver dans la journée. À 9 heures, le baron parut à sa banque avec une valise. « Antoine, dit-il, je suis obligé de partir pour Bruxelles. Mais gardez pour vous le but de mon voyage. Si quelque chose arrive, télégraphiez-moi immédiatement. Maintenant, portez vous-même cette lettre à M. X à la préfecture de police. C'est mon ami, et il mettra à votre disposition un inspecteur et 2 agents en bourgeois. De cette façon, je pourrai m'en aller tranquille. » 2 heures plus tard, tandis que Schmetterlin roulait dans un coupé du Nord, Antoine rentrait à la banque avec sa petite escouade de policiers, muni de toutes les instructions nécessaires. La baronne, de son côté, se rendait au bureau télégraphique de la gare Saint-Lazare, où le train de banlieue l'avait amenée, et expédiait la dépêche suivante, « Vicomte Gontran d'Héristal, 74 Marignan, Paris. » S. parti subitement Bruxelles ce matin. Venez ce soir, mais avant. Passez Banque Victoire et assurez-vous que départ pas une frime. Tad, bébé.